Son Excellence Guillaume Soro, Père Ego la chante. Vas-y. Papi kake, na luki luki na miso bolingo na monyote, na swata kone mai. Na patrie n'éclairait peut-être quoi na selo, par hasard kono. L'autorité soleil, papa ocho me mona mwibara, ya maman Antoinette. Papi kake, na luki luki na miso bolingo na monyote, na swata kone mai. Na patrie n'éclairait peut-être quoi na selo, par hasard kono. Kovo ma sola le bosse silencieux. Les mains sur la tête et les larmes parce que comme un avion qui n'a pas pu se voler moi, tu m'as laissé comme tout petit poussin. On dit les baisers perdus, nana, comme un bon souci, benkena, nanga. Dis-le, Mbaya Métiol, Jules Yombe, les Jean-Claude Songola. Batouswana. Ma fanga de liamo, la misa de sac na kangayo, simple binari a pamba, retourne na le jo. Et bah, tu es ma faiblesse, peu de ta chaque est en détresse, et pendant ma soie qui adresse, t'as la narco ministère. Mohamed Kake, Patrick Bilo Kake, les mabouki de Jimmy Katalay. Kake, on y a colis trompé en grand sauté. Eric Ndala. Ma voix s'expose, mon voilà, mon en plein air. Ce n'a pas un sala qui gola, alors la mana s'est me parlé. Les spéciales, les gens de la sauté. Nazana naino samoe, pote nangai te ala mulu papikage. On aventure Chris Engobo, colonel Chenzen. Nasengwe parlena, Koko Claudia Sassou. Nazala sauve, nazana naino samoe, pote nangai te ala mulu papikage. General Damien. Mama Christine, qui Noël Mouya ya maile. Boss movie son. Tango na mona ki pasi, ya kole mate moto bolingo ni aboke temwe. Mariska na tona babute ya bakulune. Tameni bino te batu mosara ki komanda su. Na tabli na triso ki se kuvermo pa el veralama. Medo shaumba kleboa. Et d'autres sont ça les superviseurs. Bozo miseranga papi. Boi banabino corte moneo. Boré trop c'est elenga boudelanga. Boi banabino grimoire. Jamblé de Moussamba. Qui m'a coupé après la nuit. La seule la haut, la juste la libre de l'équilibre. Kusalino kote baba kulinga ndebo limo na vitu Maiko mauta mafina na koni kisa taka gale Ma waba kino wafumboli na niso Rese berkidi watomu na tenge bato iba lola mwe Bato singa dedo afrimo bato shone nga Bo limo na vitu Bozo nisela nga papi Bo iba na vino korte moneo Bo reko setele nga futre na nga Bo iba na vino grimoire Arnaud le Matiki, Jean-Jacques Elouni. Na chire, chire, na kobalate, soki yo somite. Nde anoranga, mosapina nga emesano. Me pokete, smadela ibisi ngay. Ante ranyezo yo burko solo libongo, papi kake. Semina, Teddy, l'ingénieur Baudelaire Bouyena. Otala makambo asalinga, tala mwane Nazala kananga, mocha nateka makandenge moko naluna Matembele na tulela na ngaseyo ya COVID-19 Seza na katia monkeur Papa Shifting Matwit, Dark la japonaise Albert Mavungu Mustafa Sabat, le roi Merchesedek Bozo nisela nga papi Boi banabino korte moneo Bore procede lenga kudre nanga Afrique Moussamba Boi banabino grimoire Richard Kabala Et Fabrice Mola ya Sorganzeka Junior Aziz Mimina Kangou di Paris 16 Nelly Mwalumba Fondation Coup de Pose JP Mingya Big Manager Il se pomme. Bozo ngiselanga papi. boy bana bino porte moneo pour retrocéder les ma poudre nana boy bana bino grimoire maman ya Mustapha Junior Mosuna fraîche sa la canto que lengi boye Otika nga na buku tatina mokuwa Ate kanga mina ime dali bino kao Nika mate vinge zaya ngai Lelo nita katane zaya ngai Mama itano ngai Mama sasano ngai Mama itano ngai Nasana ngai amubeswe Pakotu ibelite Situ lalopele Mama itano ngai Nasana ngai amubeswe Musunya preche sala canto que lengi boye Bosi kangana nyamu nyamu tina mokuwe Ante kangani na mine tali mateo Kita mante vimbe zaye ngai Giselle Sui Kone mante katani zaye ngai Mama italo ngai Mama sasano ngai Mama italo ngai Nazana ngai ya mubeswe Kutu ipilite Sintu nalupili Mama italo ngai Nazana ngai ya mubeswe Gijanson Wanted Pro Bozong iselanga papi Boi banabino porte moneo Bo retro sedere na foudre nana Bo bon banabino grimoire Chita ibu la femme africaine Olivier Chimanga Cheni Yasmine Sabal Lubeka Dima la valeur ajoutée Edima Kutima Auberge Que le moto bokulaka Freddy Mokunzi à Irlande Ita benzo que salaka ele Iboye Otika nana nyamu nyamu tiye kosila Ate kama nina koche da libi no teo Siya eke jona za yangai Chirigola ya kili Desire Toti André Kazai José Kongolo Arnaud Technologie, Willy Tembela Unité Centrale, Mathieu Bicherera, Jojo Abiba. Kadhafi Louindula, Patrick Mombata Crédible, Yadada. Atlavite Gosho Zalaka Kakawaye, Michel Lady Louis Zalaka Kakawaye. Adiska sapaga saraka kakawaye Shabani rekoga saraka ele ngiwaye Botika ngana bukuta tina mokuwa Ateka ngamina line talibi noteo Tita mate kimeza ya ngai Mama itano ngai Mama sasaro ngai Mama itano ngai Nazara ngai ya mbeswe Papi kabali kankiriku Papi masita masitole Rigo Mobila Air Force One Max Chiboy Et bon, le solo à boîte noire 2012 Donc, il y a un bon licorne